Quatrième et dernier temps de notre série Destin des images, dans laquelle nous nous intéressons à certaines images dites iconiques de notre imaginaire commun. Après une icône du XVIIe siècle crétois, c'était lundi, les images conçues par l'atelier des Beaux-Arts de 1968, c'était mardi et hier, une photo iconique d'Auguste Sander dans la série des Hommes du XXe siècle. Nous plongeons aujourd'hui avec Séverine Yatard qui a préparé cette émission et le reportage que nous allons entendre dans un instant, en plein XIXe siècle pour tenter de comprendre la puissance symbolique d'un tableau de 1819, le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Dans un premier temps, Côme Fabre, conservateur au Louvre au département des peintures du XIXe siècle nous expliquera la composition plastique de cette œuvre romantique. Et dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir avec Séverine Yatard donc de recevoir Jacques-Olivier Boudon, professeur d'histoire contemporaine à Paris-Sorbonne et auteur il y a 2 ans des Naufragés de la Méduse chez Belin, qui nous donnera quelques clés historiques pour comprendre l'importance de ce chef-d'œuvre. Immense puisqu'il mesure près de 5 mètres de haut et plus de 7 mètres de large. Il est exposé actuellement dans les grandes salles rouges du musée du Louvre et c'est l'un des plus grands qu'on ait dans la collection. Alors Géricault s'inspire effectivement de ce qu'on peut appeler un fait divers, mais qui est quand même plus qu'un fait divers. C'est une vraie tragédie qui a profondément marqué l'opinion française. Puis il faut savoir qu'il y a eu nombre de pamphlets, de publications, et puis aussi un procès, parce qu'évidemment, à l'origine de ce drame, il y a une faute humaine, une négligence très grave de la part du capitaine de la frégate, la Méduse, et qui a été dégradé, qui a comparu devant la justice. Donc tout ça, évidemment, est encore dans la mémoire assez fraîche des Français, lorsque Géricault, qui revient d'un séjour en Italie, qui est en mal de reconnaissance, Géricault donc va tout miser sur ce sujet, qu'il va méditer pendant vraiment de longs mois. Alors il hésite entre la représentation du naufrage lui-même, donc le moment où la frégate bascule, le moment où une grande partie des naufragés sont embarqués de force sur un radeau de fortune, donc 150 personnes. Il hésite aussi à représenter le moment où il y a les premières mutineries, contre notamment les officiers qui veulent un peu régenter la vie à bord du radeau et rationner les vivres. Il hésite aussi à représenter un moment très perturbant qui est celui de pratiques cannibales à bord de ce radeau. Et puis, en définitive, ce sur quoi il va arrêter son choix, c'est le moment ultime de l'existence de ce radeau, et un moment qui est un moment de désespoir absolu et en même temps d'apparition de la toute première pointe d'espoir. Eh bien, c'est celui où la quinzaine de survivants qui restent aperçoit au loin, donc on le voit à la ligne d'horizon, c'est minuscule, mais vous voyez les voiles du bateau Largus, qui faisait partie de l'expédition dont la Méduse était le vaisseau amiral en quelque sorte, et qui était à la recherche. C'est un brick qui a été renvoyé dans les eaux au large du Sénégal pour partir à la recherche du radeau et qui va heureusement les retrouver. Donc évidemment, c'est un choix qui correspond à l'esthétique qui est conseillée aux peintres d'histoire, c'est-à-dire représenter un moment qui est riche, qui est intéressant, puisqu'il permet de représenter à la fois côté gauche le désespoir absolu de ceux qui ont déjà perdu tous les leurs et qui sont dans une forme de renoncement. Vous avez par exemple, vous voyez ici à gauche au premier plan, cet homme aux cheveux gris, barbu, et qui porte d'ailleurs l'insigne de la Légion d'honneur, donc qui marque, c'est un vétéran probablement de la grande armée napoléonienne, qui est totalement prostré, mélancolique, sur le corps de son, peut-être de celui qui a été son fils, et qui est mort. Alors que du côté droit, là, il y a les hommes qui, eux, ont repéré le bateau, et donc qui, dans un grand élan collectif, essaient de se jucher sur des tonneaux, des barriques, des poutres, en agitant des chiffons blancs et rouges pour signaler leur présence aux briques. En fait, le tableau est construit selon deux pyramides qui se croisent. Il y a la pyramide des corps, qui part des cadavres au premier plan et qui culmine avec l'homme noir vu de dos qui agite le chiffon. Et puis, il y a une autre pyramide qui, elle, est définie par les cordes. Vous voyez ces cordages qui relient le mât de fortune aux extrémités du radeau et qui permet de rééquilibrer la composition pour qu'elle ne chavire pas totalement sur la droite. Alors Géricault effectivement a vraiment pris à cœur cette entreprise qui est vraiment un travail absolument colossal et qu'il a en plus réalisé quasiment seul, enfin avec vraiment assez peu d'aide. Il a vraiment tenu à tout faire lui-même et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'il a loué en fait un atelier spécial un peu à l'extérieur du centre-ville, je crois Faubourg du Roule. Donc un grand espace déjà qui lui permettait de loger cette toile immense sur laquelle il devait travailler et qui lui permettait aussi effectivement de se rendre pas très loin à la morgue pour y prélever des restes humains et les étudier parce que il voulait effectivement étudier au plus près les effets de la décomposition sur les corps, la raideur aussi des corps. Faire des recherches chromatiques pour exprimer cet état de mort généralisé. Alors, même si les corps, je trouve, à mon avis, sont encore trop musculeux, trop harmonieux pour être réellement ceux de personnes qui sont dans un état de famine depuis 2 semaines, quasiment sans eau et avec très peu de nourriture, je crois que quelqu'un comme Delacroix, un petit peu plus jeune, qui a vu d'ailleurs ce tableau se faire, lui essaiera d'aller plus loin en représentant des personnes dont les corps sont vraiment très amaigris lorsqu'il peindra par exemple les otages grecs de l'île de Chios ou bien les cadavres au premier plan de la liberté guidant le peuple. Mais en tout cas, Géricault s'est lancé corps et âme dans cette entreprise. Certains disent même au péril de sa propre santé, parce qu'il a été au contact effectivement de chair en décomposition. Et on dit aussi qu'il s'est rasé le crâne durant toute cette période pour, disons, se forcer à ne plus avoir de vie sociale, disons, ne plus sortir le soir, ne plus aller au café, ne plus aller voir des amis, et s'astreindre à ne pas quitter cette tâche écrasante, mais qu'il devait absolument terminer à temps, notamment pour le salon. On sait aussi, comme Fab, que pour documenter ce tableau, il a interviewé, sollicité d'anciens rescapés. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins 2, en tous les cas, lui ont fait le récit de ce naufrage, à la fois où on voit bien dans ce tableau, il y a le désespoir et puis une espérance qui va-t-elle être comblée. Là, on ne le sait pas, dans le tableau. Il y a encore un léger suspense, effectivement. Mais effectivement, il y avait les témoignages, notamment d'un nommé Coréard, il me semble, ainsi que Savigny, qui ont fait des rapports très précis, des témoignages avec aussi pour intention de clairement signifier la culpabilité, la responsabilité de Monsieur de Chaumaret, donc qui est ce capitaine indigne, responsable de toute cette tragédie. Et Géricault est allé à leur rencontre, il a bien sûr lu les textes qu'ils avaient laissés, les témoignages, et il les a fait poser puisqu'il souhaitait les faire apparaître parmi les personnages ici que l'on voit sur le radeau. Et puis pour le reste, il a fait poser des modèles professionnels, hein, mais aussi des amis, des assistants, et on dit même que le jeune Delacroix aurait posé pour l'un des naufragés. C'est le jeune homme, en fait, dont on ne voit pas le visage, mais qui est au milieu de la composition, complètement renversé vers l'avant. On ne voit que, en fait, l'arrière de son crâne, et puis le haut de ses épaules et un bras qui est tendu vers l'avant, plongé comme ça, face contre le radeau. Ce serait le jeune Delacroix, dont on sait qu'il avait effectivement les cheveux noirs très abondants et bouclés. Plus frappant, c'est la volonté qu'a Géricault de nous faire vraiment participer à ce drame, parce qu'il vient chercher le spectateur. On est invité, enfin, il fait venir les poutres jusqu'au premier plan. Même le cadrage est légèrement coupant. Le montant inférieur du tableau, en fait, coupe le bas du radeau. Donc c'est comme s'il y avait un marchepied et qu'on était encouragé vraiment à monter à bord de ce radeau et à partager à la fois l'angoisse, le désespoir absolu, les peurs et les espoirs de tous ces survivants. Mais comment il est reçu justement au salon comme Fabre, ce tableau ? Il y a les défenseurs, mais il y a aussi des personnes qui trouvent ce tableau scandaleux. Les avis sont très partagés. Je crois que c'est ce que recherchait Géricault de toute façon. Mais effectivement, il y en a qui s'enthousiasment pour l'audace, pour la vérité qui se dégage selon eux de cette scène. Le talent aussi quand même avec lequel Géricault est capable d'agencer, de faire cette accumulation très savante de corps et de rendre d'une nouvelle manière l'expression des passions, hein, qui est quand même un des grands enjeux de la peinture depuis le XVIIe siècle, depuis Charles Lebrun et tous les membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il s'agit vraiment d'arriver, comme le parvient de la littérature, par la simple magie de l'image, de la peinture, eh bien, traduire un drame, une action et des émotions, des sentiments. Donc là, Géricault s'inscrit parfaitement dans cette tradition, mais évidemment avec une âpreté, une noirceur qui est très nouvelle. Et c'est évidemment cela qui arrête un certain nombre de critiques, parce que c'est quand même extrêmement indécent de voir, par exemple, voyez ce cadavre au premier plan dont la tête disparaît complètement dans l'eau, mais dont on voit le poil pubien qui est mis vraiment devant notre nez, ou bien aussi cet autre cadavre dont on voit une espèce de bas ou de chaussettes en accordéon pantelante, qui paraît extrêmement disgracieux comme détail et absolument inutile pour la narration et qui ne respecte pas les canons. On peut représenter un drame contemporain, certes, mais il faut s'arranger aux yeux des critiques d'art pour retirer ce qu'il y a de trop actuel, trop périssable, trop éphémère dans les accessoires, dans les vêtements, essayer d'héroïser au maximum les personnages. Alors, c'est ce que fait Géricault tout de même. Il représente beaucoup d'hommes torse nu. Il y a certaines chemises ou certains draps qui sont quand même un peu enroulés comme des drapés, des toges antiques. Mais il laisse quand même volontairement visibles des gilets, des pantalons, des bas, des chaussettes et aussi des décorations donc contemporaines comme la croix de la Légion d'honneur. Je crois qu'il y a au moins deux personnages dans le tableau qui la portent. Et donc évidemment qui rattachent cette action à une époque contemporaine. Il Il y a aussi un enjeu, je crois, assez important de renouvellement aussi de la manière d'éclairer une action. Alors, il faut bien préciser qu'aujourd'hui, les couleurs sont quand même très altérées à cause du vernis. Enfin, il y a eu plusieurs couches de vernis qui ont jauni avec le temps. Il y a un certain encrassement qui s'est aussi accumulé. Il y a certaines zones du tableau, celles qui sont les plus noires, qui se sont un peu dégradées, probablement à cause des matériaux constitutifs que Géricault a employés, et aussi à cause de problèmes techniques de séchage, en fait. Donc tout ça tend à assombrir le tableau. Mais il est évident que Géricault, dès l'origine, n'avait pas souhaité donner des couleurs très brillantes à la scène. Vous voyez, par exemple, dans les vêtements, les vêtements sont le plus souvent blancs, ocre, gris, brun ou noir. Il y a juste certains éléments rouges qui ressortent. Voilà, un personnage plein d'espoir qui agite un chiffon rouge, et puis celui qui est entièrement désespéré, qui est recouvert, lui, comme en signe de deuil, d'une espèce de voile. Puis il y a aussi le rouge du sang, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et cet homme qui porte son fils, justement, a une sorte de pansement aussi de fortune qui est sanglant. Il y a en contrepoint la mer, qui apparaît très verte aujourd'hui, qui était vraisemblablement plus bleue. Mais voilà, les couleurs sont quand même assez... Enfin, la palette, la gamme est volontairement réduite, et surtout l'éclairage est extrêmement tranché. C'est vraiment la renaissance d'une technique qui est celle du clair-obscur, qui était l'apanage des peintres, notamment de ce qu'on appelle les caravagesques, hein, ceux qui, au XVIIe siècle, se sont vraiment inscrits dans le sillage de ce très célèbre peintre, le Caravage, qui représentait les corps avec non pas un modelé très progressif et doux entre les parties les plus éclairées et les parties les plus sombres, mais au contraire avec des contrastes très tranchés. Donc ça aussi, c'était une esthétique assez nouvelle, enfin disons qui s'inscrit dans une tradition, mais qui n'était pas cette tradition caravagesque, n'était pas celle qui était préférée, qui est enseignée, encouragée par le système académique, qui préférait une peinture plus claire, se situant autour de Raphaël, puis une certaine clarté inspirée de la sculpture en marbre ou des bas-reliefs antiques qui étaient finalement le nec plus ultra, les modèles absolus pour beaucoup d'enseignants de la peinture à cette époque-là. Géricault savait parfaitement que ce sujet était gênant pour le pouvoir, pour le gouvernement de la Restauration. C'est pour cela que, l'a-t-on forcé ou s'est-il auto-censuré lui-même, lorsque le tableau a été présenté au salon, donc pour la première fois au grand public, c'est sous le titre assez pudique de « Scène de naufrage ». Point. Sans autre précision. Bon, tout le monde comprenait bien de quel naufrage il s'agissait, et donc qu'il y avait effectivement le spectre de la Méduse et toute cette affaire autour de Monsieur de Chaumaret en filigrane derrière ce tableau. Voilà, c'est sûr qu'il y a derrière ce sujet une dénonciation hein, de l'incompétence, du favoritisme qui a pu présider à la nomination de personnes que 20 ans d'émigration avaient rendues absolument incompétentes pour diriger une expédition maritime. Et puis la présence de ces personnages d'origine africaine dans la toile... On y a vu effectivement une défense aussi de l'égalité des droits entre les personnages noirs qui étaient très souvent évidemment d'anciens esclaves ou pas encore émancipés, et puis les Européens, les Occidentaux. C'est difficile à dire exactement enfin quelle est l'intention de Géricault, mais c'est vrai que le thème de l'esclavage l'a intéressé, peut-être un petit peu plus tard, on a effectivement des dessins, des croquis de composition qui évoquent ce sujet, ou alors les exactions commises par l'Inquisition en Espagne, où des esclaves noirs sont martyrisés. Donc il est évident en tout cas que Géricault a une sensibilité très forte envers l'injustice humaine et aussi l'injustice sociale. Hein, lorsqu'il va justement à Londres pour un peu promouvoir son tableau, il est très sensible à la misère à Londres et au ravage aussi de l'ère industrielle qui se met en place. De toute façon, le radeau de la Méduse, c'est un cri d'humanité qui montre tout ce dont l'humain est capable dans une situation de désespoir, de détresse extrême. Il y a ceux qui sont profondément découragés, il y a ceux qui cèdent à la folie. Alors c'est, au départ, il souhaitait montrer un acte de cannibalisme, finalement, il a pour des raisons aussi de bienséance, il a dû y renoncer. Mais on a quand même au pied du mât quelqu'un qui est complètement dans la pénombre, mais qui se tient le visage entre les mains comme s'il était un damné. Et en même temps, il y a ces élans de solidarité, de générosité, d'entraide que Géricault veut aussi représenter. Ce qui est représenté finalement, c'est le fait que l'enfer n'existe pas uniquement dans les récits du jugement dernier, hein. C'est que l'enfer peut exister sur Terre et qu'il ne faut pas attendre une quelconque aide transcendante. Hein. Vous voyez que c'est un tableau entièrement laïque. Il n'y a personne qui esquisse un réel geste de prière. Personne qui tient un chapelet, par exemple, ou dont le geste ferait référence à quelque chose de l'ordre d'un salut chrétien. Ils ne doivent leur salut qu'à eux-mêmes, finalement, à leur entraide. Et ça aussi, c'est un aspect qui est peut-être assez peu évoqué, mais qui pour moi est assez important, le fait qu'il n'y a aucun signe religieux dans ce tableau. La seule croix qu'on voit, c'est les croix de la Légion d'honneur, qui montrent aussi que la plupart de ces naufragés sont d'anciens soldats, et des soldats qui, pour la plupart, justement, ont appris les vertus du courage et de la solidarité à travers toutes les épreuves qu'ils ont traversées, notamment durant les campagnes napoléoniennes, comme la campagne de Russie, par exemple. Il y avait certains vétérans parmi eux de la Grande Armée qui étaient passés par d'autres épisodes horribles et qui savaient comment y survivre. Donc voilà, je pense que le constat que dresse Géricault et l'appel qu'il veut faire, c'est celui-ci, c'est que face à l'enfer terrestre, il ne faut faire appel qu'aux qualités que l'humain a en lui-même. Alors, le radeau de la Méduse est un tableau qui devient très tôt mythique. Pour Géricault, bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même un cruel échec, il n'arrive pas à le vendre. C'est un tableau qui lui reste sur les bras et ce n'est pas rien pour quelque chose qui lui a demandé un travail colossal pendant un an de travail, d'énergie et puis aussi d'investissement financier, il ne faut pas l'oublier parce que pendant ce temps-là, il ne peut pas faire autre chose. Géricault emmène ce tableau à Londres, il y a un certain succès, hein, populaire, mais personne n'est pour autant prêt à en faire l'acquisition, et je crois que de toute façon, pour Géricault, c'était important que ça ne devienne pas une attraction foraine, mais que ça devienne vraiment un tableau qui entre un jour dans le plus grand musée au monde. Il avait le Louvre, je pense, déjà en tête, et par là-dessus, eh bien, il meurt assez rapidement. Il meurt en janvier 1824, il a, je crois, à peine 32 ans. Et c'est à la vente après décès que l'État, le directeur des musées royaux, de manière très habile, en utilisant un homme de paille, bref, qui achète le tableau à la vente aux enchères, c'est comme ça que le tableau arrive quand même, sain et sauf, au musée royal des artistes vivants, qui se trouvait alors à Paris, au palais du Luxembourg. Et quelques années plus tard, le tableau arrive au Louvre. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. et Séverine Latard. Bonjour Séverine. Bonjour. Vous avez réalisé avec Séverine Cassard ce reportage. La prise de son était assurée par Laurent Lucas auprès de Côme Fabre. Disons tout de suite à nos auditeurs que s'ils ont vraiment envie d'aller retourner voir le radeau de la Méduse au Louvre, il faut qu'ils attendent un peu, c'est ça? Ce n'est pas possible pour l'instant en fait. Ouais. La donc, salle est en réfection. Donc on les met devant la vitrine et on leur dit attendez un peu. Voilà, c'est ça le principe. Bonjour Jacques-Olivier Boudon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fait le récit très précis et historicisé de cette histoire du naufrage de la Méduse, donc dans un livre que vous avez fait paraître il y a 2 ans, qui s'intitule « Les naufragés de la Méduse chez Belin ». Vous êtes historien et professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialiste de la période napoléonienne, mais on vous connaît depuis quelques mois, en plus de tout cela, pour le succès que remporte le plancher de Joachim, pour lequel vous étiez venu il y a peu de temps dans la Fabrique de l'Histoire. C'est votre dernier livre où vous racontez l'histoire de ce menuisier, donc des Hautes-Alpes, qui a écrit derrière les planches du plancher qu'il était en train de poser dans un château des Hautes-Alpes, donc une sorte de confession de sa vie, mais aussi de tous les habitants de ce village où il vivait. Et donc, vous aviez, il y a 2 ans, écrit ce livre sur les naufragés de la Méduse qui tentait de raconter justement l'ensemble de cette histoire et pas simplement l'histoire du tableau dont on a parlé avec Côme Fabre. Je me suis toujours posé la question et j'ai été toujours surpris de voir que les gens connaissent le tableau de Géricault, mais ne savent pas le dater. Même des collègues historiens à qui j'en parlais me disaient « Ah oui, oh, c'est probablement à l'époque de la Restauration. » Mais qui sait que le naufrage a eu lieu le 2 juillet 1816, au lendemain donc de la chute de Napoléon, sur une frégate, la Méduse, qui est un pur produit de la reconstruction de la marine napoléonienne. Elle a été lancée en 1806 et cette Méduse, c'est l'une des 2 frégates qui est proposée à Napoléon en 1815, après Waterloo, pour partir vers les États-Unis. C'est un destin incroyable que celui de ce bateau, avec à sa tête un commandant du roi de Chaumaret, qui est un commandant, un officier de marine de la marine d'Ancien Régime, qui, comme 80% de ses congénères, a émigré au début de la Révolution et qui, 25 ans après, demande à servir à nouveau. Et Louis XVIII lui confie ce commandement avec le grade de capitaine de frégate. Et encore n'est-il pas satisfait, il aurait voulu être capitaine de vaisseau, car si il avait prolongé sa carrière pendant 25 ans, ce serait le grade auquel il serait arrivé. Oui, il est d'ailleurs, sa promotion, c'est le fruit d'une épuration. Aussi, c'est l'épuration de tous les gradés de l'armée napoléonienne et on promeut donc ceux qui sont partis, qui ont suivi le roi et qui ont été des émigrés. Au retour du roi, eh bien, on les promeut dans des postes qu'ils peuvent donc prétendre avoir après cette longue interruption, Jacques-Olivier Boudon. Lui, il a particulièrement participé à l'expédition de Quiberon. C'est son donc venant en aide aux Chouans et aux Vendéens en 1795. C'est son heure de gloire, c'est ce qui lui permet de reprendre du service en 1814-1815, en effet. C'est Vignata. Alors, on parlait de confession, on pourrait presque dire, et on le perçoit tout à fait, Jacques-Olivier Boudon, à travers votre ouvrage, alors, ce radeau de la Méduse, c'est aussi une confession de la société de ce début 19e siècle à travers ces multiples dimensions, alors à la fois politique, nous venons d'en parler, à la fois sociale, parce que nous allons y revenir sur ce radeau, il y a tout un système de hiérarchie sociale également qui va se mettre en place, culturelle avec la question aussi du cannibalisme, religieuse, absence ou non-absence des signes religieux dont nous parlait Côme Fabre précédemment. On a presque l'impression d'avoir affaire à un fait social total, pour reprendre. Et c'est assez enrichissant, finalement, de travailler sur cette matière. D'autant plus que le navire, avant de parler du radeau, le navire qui part reconquérir les colonies du Sénégal est lui-même un microcosme. On y retrouve des représentants de la société, puisque l'objectif, c'est justement d'aller reprendre pied en Afrique. Donc vous avez des marins, vous avez des soldats, vous avez des colons qui partent, dont des familles, un certain nombre d'ouvriers, des familles, il y a des enfants. Il y a des gens qui ont le pied marin, puis deux gens qui n'ont pas du tout le pied marin. Exactement, il y a des... donc il y a tout un rassemblement, il y a des royalistes, il y a des bonapartistes, donc d'autres qui probablement n'ont pas d'opinion politique, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a une hiérarchie avec le commandant d'une part, mais aussi le futur gouverneur du Sénégal, sa femme, sa fille. en effet, on a un microcosme qui se retrouve un peu moins sur le radeau, mais néanmoins, sur le radeau, on va retrouver parmi les 150 naufragés qui prennent place. Alors, comment ça se passe? Parce que, voilà, alors, il y a ce naufrage, et puis alors certains vont se retrouver sur le radeau, alors que d'autres vont partir sur des chaloupes. Le naufrage a lieu le 2 juillet 1816, il fait très beau. Le capitaine a planté son bateau dans un banc de sable qui est connu, on ne sait pas exactement où il est, mais bon, c'est une erreur humaine incontestable. Et le bateau penche inexorablement. Le capitaine, à un moment donné, le 5 juillet, une voie d'eau a été faite dans le bateau, décide de faire monter tout le monde sur les chaloupes et les canots qui étaient sur le bateau. Et on a construit également un radeau depuis 2 jours sur lequel on va placer 150 hommes dans un désordre incroyable. Et en fait, se retrouvent essentiellement sur le radeau des soldats. Il y avait en effet plus de 170 soldats sur le bateau qui forme ce qu'on appelle le bataillon du Sénégal, donc partant des soldats coloniaux. Des soldats qui appartiennent en effet à un bataillon colonial. La plupart viennent de Guadeloupe. C'est ce qui explique qu'il y ait la présence d'une quinzaine de soldats noirs ou mulâtres sur le bateau et sur le radeau, pardon. Ils sont beaucoup plus nombreux sur l'ensemble du bateau. Il y a aussi des soldats étrangers. Enfin, c'est une diversité qui renvoie à la diversité de l'armée napoléonienne. Donc, dans la nuit du 4 au 5, on descend sur le radeau, essentiellement des soldats, une quinzaine de marins, et puis il y a quelques membres de cette expédition qui devait coloniser le Sénégal, c'est-à-dire des ouvriers essentiellement. Il y en a notamment un charpentier, qui s'appelle Touche Lavillette, et dont Géricault s'est beaucoup inspiré. Il l'a interviewé pour préparer son tableau, et Touche Lavillette est celui qui a participé à la construction du radeau comme charpentier, et qui va reconstruire une maquette du radeau pour Géricault, pour que celui-ci ait en main finalement un objet en 3 dimensions. Et puis alors il y a quelques officiers, et vous notez, Jacques-Olivier Boudon, qu'au moment de l'installation de ce radeau et du départ de ce radeau, immédiatement il y a une hiérarchie qui s'établit, c'est-à-dire au centre les officiers et aux abords les soldats. Qui socialement sont dominés, et ce sont eux qui ont affaire aux violences de la mer aussi, sur ce radeau. Alors vous parlez violence de la mer, violence du soleil aussi, parce qu'on oublie qu'il fait une chaleur extrême, que leur peau est brûlée. Et voilà, commence d'une certaine manière comme une sorte pas d'épuration, mais enfin, Je parle de guerre civile. Alors, avant qu'il y ait la sédition, ceux qui sont sur les bords du radeau, soit risquent de se noyer, sont exclus du radeau. Il y a au centre du radeau, donc une voile, un mât, et c'est autour de ce mât où un plancher a été construit que les officiers prennent place. Ils sont une quinzaine à peu près. Et puis tout autour, le reste, le peuple, les représentants. Alors il y a des marins, quelques mousses, les soldats, sur une partie qui, elle, n'a pas été recouverte de planches. Donc, et on le voit bien dans le tableau de Géricault, les membres s'enchevêtrent entre les rondins. Leurs jambes passent à travers. Et dès la première nuit, qui est marquée par une très forte houle, on dénombre une trentaine de morts, ces corps gisants que Géricault montre au premier plan et qui raconte en réalité ce qui s'est passé dans les premiers temps du naufrage. Donc on a en effet cette distinction sociale qui renvoie aussi au fait que le radeau a été abandonné par les canots. Il aurait dû être tracté jusqu'à la côte par le canot du gouverneur du Sénégal, mais celui-ci n'a pas voulu tirer le radeau jusqu'à la côte, et l'un des arguments qu'il avance, c'est la peur de la révolution, la peur de la mutinerie. Et on voit très bien ces officiers supérieurs se débarrassant finalement de ce qu'ils considèrent être la lie de la société. Il y a quelques officiers avec eux, mais pour l'essentiel, ce sont ces soldats qu'on abandonne. Donc, entre les canots et le radeau, et sur le radeau même, donc cette distinction entre les officiers d'une part et le reste de la troupe d'autre part. Alors, chacun d'entre eux, de ceux qui sont sur ce radeau de la Méduse, a sa propre histoire, et c'est ce que vous racontez dans Les Naufragés de la Méduse, c'est-à-dire qu'ils ont un passé. On peut faire la prosopographie presque de ceux qui sont sur ce radeau, et donc découvrir qu'il y a effectivement ceux qui ont participé à la bataille de Russie, Russie, ceux qui ont été en exil avec le roi qui vient de revenir au pouvoir. Évidemment, il y a des tensions qui naissent de leur cohabitation. Ils étaient ennemis quelque temps auparavant. Ils sont obligés de vivre sur le même bateau et sur le même radeau quelque temps après. Et donc, évidemment, ça crée des tensions. Ça crée des tensions qui sont à la fois sociales et historiques, pourrait-on dire, Jacques-Olivier Boudon. Le radeau, le naufrage reproduit en quelque sorte ou prolonge les aventures qui se sont déroulées à l'époque napoléonienne. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces hommes avaient un visage. Si on revient au tableau, ce qui est frappant, c'est de voir que la distinction sociale, elle est visible. Vous avez les hommes qui sont près du mât, ce sont les officiers. On reconnaît deux des auteurs du fameux livre qui inspire Géricault, Coréard, Alexandre Coréard, qui est un ingénieur géographe, et Savigny, Jean-Baptiste Savigny, qui est le médecin, l'officier de santé du bord. Ce sont eux qui ont écrit ce livre, qui est une des principales sources que nous avons sur le naufrage. Et puis vous avez le groupe qui est près de la barrique de vin, avec ces hommes qui sont de dos. Ce sont les hommes du peuple anonymes qui sont finalement sans visage. C'est très intéressant de voir comment Géricault va faire cette distinction. Et pourquoi la barrique ? Parce que la barrique, c'est l'enjeu, c'est le ravitaillement, c'est aussi derrière tout le problème qui sera lié au cannibalisme. Alors j'ai voulu savoir qui étaient ces anonymes, en effet. J'ai voulu reconstituer ces histoires. Celle des officiers, c'est assez simple, on a beaucoup de sources. Mm-hmm. Mais celle des plus humbles m'a paru aussi très intéressante. Et grâce en particulier au registre matricule des soldats du bataillon du Sénégal, j'ai pu en effet retrouver la trace. Alors on n'a pas énormément d'informations sur ces hommes, mais on peut savoir qui ils étaient. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à identifier la seule femme du radeau qui n'est pas parmi les rescapés. Elle fait partie du dernier groupe qui est jeté à la mer quelques jours avant le sauvetage. Je sais simplement qu'elle était la femme d'un sous-officier et qu'elle était originaire des Hautes-Alpes, comme Joachim Martin. Séverine, en tous les cas, vous racontez, Jacques-Olivier Boudon, que très très vite, sur ce microcosme, en fait, voilà, ça, tout, le conflit émerge et qu'il y a sédition et révolte des insurgés. Parce que, alors, il faut préciser, ils ont très peu de nourriture et à la place d'avoir des barriques d'eau, ils ont des barriques de vin. Donc, ça joue aussi sur le fait que, voilà, les uns et les autres vont s'entretuer, hein. Ils ont peu de nourriture, un peu de farine au départ, 5 barriques de vin, 2 barriques d'eau, mais très rapidement, le rationnement qui est opéré par les officiers mécontente les soldats qui cherchent à s'en emparer. Alors ça, c'est la version des officiers. Les soldats expliqueront au contraire que les officiers ont voulu chercher à les enivrer pour pouvoir s'en débarrasser, les jeter hors du radeau. Les deux versions sont tout à fait compatibles. D'ailleurs, je pense pour ma part qu'il y a du vrai dans les deux cas. Bref, très très vite, presque le lendemain du naufrage, on commence à s'entretuer pour la possession des barriques. En s'entretuant, ces hommes sont jetés à la mer, puisque essentiellement, il faut préciser que les officiers ont conservé leurs armes. Les soldats ont été priés de laisser les fusils à bord de la Méduse. Oui, alors ils sont jetés à la mer, mais on en garde quelques-uns comme garde-manger, parce que c'est aussi ça la particularité de ce naufrage de la Méduse, qui était déjà précisé par Combe Fabre dans le reportage qu'on a entendu en tout début d'émission, c'est qu'effectivement, on y pratique le cannibalisme, l'anthropophagie, et que ça vous permet, Jacques-Olivier Boudon, dans ce travail sur les naufragés de la Méduse chez Belin, de faire un très beau chapitre sur cette histoire de l'anthropophagie qui n'est pas nouvelle, pourrait-on dire, dans le contexte en particulier des guerres napoléoniennes, puisque certains d'entre eux ont eu à connaître en particulier la débâcle de Russie, que dans cette débâcle, eh bien, il fallait bien manger là aussi, y compris ses propres camarades. L'anthropophagie n'est pas un élément récent. On ne découvre pas l'anthropophagie à l'époque du radeau de la Méduse, même si la révélation de ce qui s'est passé sur le radeau brise un tabou. Et c'est plutôt à ce niveau-là que les choses vont se passer. Parce que même les témoins, Jacques-Olivier Boudon, hésitent à parler de ça. Ils ont honte de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils ont pratiqué. Le capitaine Dupont, par exemple, qui est un des officiers qui est présent sur le radeau, a écrit ses mémoires et il explique qu'il se nourrit d'un morceau de saucisson qu'il a retrouvé dans sa poche. Bon, évidemment, c'est un bout de chair humaine, mais il n'ose pas, il ne veut pas le dire, il ne peut pas briser ce tabou. Mais ce que je pense, c'est que la révélation de l'affaire de la Méduse en 1816 va libérer la parole et permettre à un certain nombre d'acteurs des guerres napoléoniennes de dire ce qu'ils ont vécu, de dire ce qu'ils ont souffert, et en particulier de dire qu'ils ont dû avoir recours à l'anthropophagie pendant la campagne de Russie, là, beaucoup de témoignages l'attestent, même si quelqu'un comme le général Marbot conteste en disant qu'il y avait suffisamment de cheval, qu'il n'y avait pas besoin de s'emparer de la chair humaine, mais on a d'autres témoignages qui vont dans ce sens, et on le sait aussi pour la guerre d'Espagne, en particulier pour la captivité à Cabrera, dans un contexte où finalement est intégrée l'idée que en cas de famine, on peut avoir recours à l'anthropophagie. C'est historiquement bien sûr connu, à toutes les époques, on a eu recours à la consommation de chair humaine. Mais ça reste la transgression. Ça reste la transgression d'un tabou. Et ce que j'ai découvert, parce que je l'ignorais, mais c'est aussi l'avantage des recherches, c'est que par exemple, dans les traités de théologie morale, l'Église catholique ne condamne pas l'anthropophagie comme elle le faisait dans les traités de l'époque médiévale. Mais ce qui est passionnant dans votre travail, Jacques-Olivier Boudon, c'est que là aussi, vous faites entrer du social dans l'anthropologie et donc vous expliquez que selon qu'on est officier ou qu'on est simple soldat, eh bien, cette anthropophagie ne se pratique pas de la même manière. Les officiers ont beaucoup de mal à avouer qu'ils ont pratiqué l'anthropophagie, donc ils vont biaiser. Et en particulier, Savigny explique qu'il avait recommandé comme médecin de faire sécher les chairs, les morceaux de chair, de les saler, donc de ne pas les consommer crus, en quelque sorte, mais cuits au soleil. On a déjà ce contraste entre le cru et le cuit. Claude Lévi-Strauss, bien sûr, qui apparaît sous la plume de Savigny, sous-entendant que finalement les hommes du peuple sont des sauvages. Ils déchirent la chair à pleines dents, ils utilisent cette expression, alors que eux sont un peu plus raffinés, ils font sécher les morceaux de chair humaine. Ce que d'autres témoignages, et en particulier le capitaine de l'Argus, confirment, c'est ils sont effarés de voir ces bouts de chair humaine pendre au mât du radeau lorsqu'ils le redécouvrent le 17 juillet. C'est Régnatin. Et cette problématique du cannibalisme, à la fois tabou, va fasciner en fait aussi les lecteurs, enfin de ces fameux témoignages et bon à la vision du tableau, effectivement on ne voit pas de scène de cannibalisme, mais c'est quelque chose qui intrigue et qui fascine, toujours d'ailleurs, à cette époque, mais à d'autres époques aussi. Ça fascine à toutes les époques, comme tous les tabous, mais ça renvoie aussi à quelque chose qui est très ancré dans l'esprit humain. Songez que les contes pour enfants mettent en avant la figure de l'ogre qui dévore les petits-enfants. Ce qui veut dire que culturellement, l'idée de manger son prochain est complètement intégrée. Une chanson, une comptine comme « Il était un petit navire » renvoie aussi à cette pratique qui veut que en cas de naufrage, eh bien on va désigner soit le plus jeune, soit on tire au sort celui qui sera mangé le premier. Donc ça fait partie de l'imaginaire collectif, qui est d'ailleurs plus qu'un imaginaire, puisque c'est aussi une réalité. Alors quand ce tableau est peint, et quand les récits dès 1816 sont faits de ce naufrage et de ce drame, cette tragédie de la Méduse, il y a un intérêt, comme vient de le dire Séverine Yadard, populaire, pourrait-on dire, pour cette histoire, et il y a aussi un intérêt politique, parce que vous expliquez très bien, vous qui êtes spécialiste de Napoléon et de ceux qui l'ont soutenu, que tout de suite, il va y avoir des usages politiques de ce naufrage de la Méduse, des interdictions de le raconter. Au contraire, ceux qui vont dire, eh bien, c'est de la faute à cet officier qu'on a nommé alors qu'il n'était plus capable de diriger un tel navire et qu'il nous a échoué. Et donc, d'une certaine façon, remettant en cause le retour de la royauté après la période napoléonienne, Jacques-Olivier Boudon. Pour résumer, on pourrait rappeler la phrase de Michelet, le naufrage de la Méduse, c'est le naufrage de la France. Pour certains, c'est l'échec de la Restauration un an après seulement le retour du roi. Et en fait, c'est aussi une affaire politique, parce que le rapport de Savigny, l'officier de santé, qui est l'un des premiers à rentrer en France, n'aurait jamais dû être publié. C'est une fuite qu'il le voit être déposé sur le bureau du rédacteur en chef du journal des débats, qui évidemment voit tout de suite l'aubaine, publie le texte sans censure, c'est-à-dire que tous les faits, y compris les faits de cannibalisme, sont découverts par les lecteurs dès le lendemain, ce qui provoque un choc. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on est en pleine crise entre le gouvernement où domine la figure de Decazes, qui a demandé au roi de dissoudre la Chambre, et une Chambre des députés qui était marquée par une majorité ultra. Ce sont ces fameux ultra-royalistes, plus royalistes que le roi, qui ont été élus en août 1815. Et Decazes s'empare de l'affaire pour mettre en cause les ultras, et ce d'autant plus que le ministre de la Marine du Bouchage est l'un d'entre eux. C'est et donc, s'ensuit évidemment un procès avec une enquête, une commission, un conseil de guerre hein, à l'encontre de ce fameux Chaumaret. Le ministre de la Marine ne peut pas faire autrement que d'organiser un procès. Donc on fait revenir du roi de Chaumaret et il est jugé en effet à Rochefort par un conseil de guerre, donc par ses pairs. Il encourt la peine de mort pour avoir abandonné son navire, provoqué donc les chouages de son navire et aussi parce qu'il a quitté le navire avant que tout le monde soit parti sur les chaloupes. En fait, il sera condamné simplement à 3 ans de prison qu'il effectue au Fort de Ham, la même où Louis-Napoléon Bonaparte sera captif dans les années 1840. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'avoir vu perdurer cette histoire sans son support historique. C'est ce que vous expliquez très bien, en l'occurrence Jacques-Olivier Boudon dans Les Naufragés de la Méduse. Le tableau va servir de support à des rêveries personnelles de chacun de ceux qui le voient, mais chacun va oublier toute cette histoire que vous nous révélez dans votre travail. Qu'est-ce qui explique, selon vous, justement, qu'on ait oublié cette histoire après qu'elle ait fait autant de bruit dans la France de la Restauration? Alors, à l'époque, je ne pense pas qu'on l'oublie totalement. Mais c'est vrai que le tableau va contribuer d'abord à en maintenir le nom, ne serait-ce que le nom. D'autant plus qu'au départ, comme ça a été rappelé, c'était scène de naufrage. Et c'est très symptomatique. Scène de naufrage, ça renvoie à un naufrage intemporel. Mmh. Et un des premiers critiques, voyant le tableau, dit mais ça se passe à quelle époque? Est-ce qu'on est dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne? On pourrait faire la même réflexion aujourd'hui. Est-ce qu'on est en Méditerranée en 2018? C'est ce caractère intemporel du tableau qui explique qu'on est un peu perdu le rapport historique à l'histoire et à l'événement, mais aussi qui fait le succès de ce tableau. L'histoire, elle reste quand même présente. Au XIXe siècle, je me suis amusé à repérer tous les journaux qui annonçaient la mort du dernier naufragé de la Méduse. C'est une sorte de marronnier jusqu'à la fin du XIXe siècle. Un peu comme Sudhir Azari Singh a traqué les derniers soldats de Grognard de Napoléon qui finissent leur vie aux alentours de 1880 dans le Var ou ailleurs, par exemple. C'est exactement la même chose. Les derniers survivants de Waterloo, les derniers survivants de la Méduse, cela prouve quand même que l'événement historique reste présent à la mémoire. Alors, et ces lectures successives de ce tableau de Géricault, puisque c'était un peu le thème de notre série d'émissions, comment s'est-il rechargé au fur et à mesure du temps? Vous citiez tout à l'heure Michelet à propos de ce drame de la Méduse. On est dans les années 1830-1840. Il se recharge différemment selon l'arrivée, je ne sais, de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, selon l'arrivée de la Troisième République, etc. Par exemple, Jacques-Olivier Boudon. Alors, il inspire d'autres peintres, Delacroix. Et notamment la liberté. Toujours à l'esprit, il y a la liberté qui est dans le peuple. Il y a aussi une scène de naufrage que met en scène de la Croix à partir d'un poème de Byron. Et il y a aussi le théâtre. Le théâtre qui est à l'époque le média le plus populaire. Et beaucoup de pièces de théâtre, de mélodrames vont s'appuyer sur ce récit de la Méduse. Et que présente-t-on en arrière-plan comme décor? Bien naturellement, un décor qui est inspiré le plus souvent de Géricault. Donc c'est par ce biais aussi que les spectateurs vont continuer à découvrir la toile de Géricault. Comment une image s'impose au bout du compte, comme étant l'image iconique de cet événement? Elle est représentative du naufrage, et c'est vrai jusqu'à nos jours, puisque récemment une photo a été primée qui renvoie tout à fait à cette idée du radeau qui bascule dans l'eau avec ces naufragés qui lancent un appel, qui tendent les bras. Donc c'est vraiment une image qui a été continuellement utilisé, y compris d'ailleurs en étant détourné. On songe bien sûr à Hergé dans Coq en Stock, on songe à Uderzo dans Astérix Légionnaire qui mettent en scène des radeaux. Astérix Légionnaire, c'est avec les fameux pirates et le capitaine des pirates qui dit je suis médusé. Bon, l'allusion pour ceux qui n'auraient pas compris que Uderzo faisait référence à Géricault est complétée par la bulle. Donc il y a en effet, à travers les âges, curieusement peu au cinéma, Mais à travers les âges, la réutilisation du tableau de Géricault et de ce qu'il met en scène, encore récemment, une pièce de théâtre que j'ai vue au Théâtre universitaire de Nantes et qui était totalement inspirée par le tableau de Géricault, plus que par le récit de l'aventure vécue en 1816. C'est génial. Mais c'est ce sujet aussi existentiel, cette problématique de l'enfer existe sur Terre, mais l'espoir existe cette problématique existentielle qui est là, présente sur ce radeau. C'est tout le problème du naufrage. Le naufrage, finalement, n'intéresse que parce qu'il y a des survivants. La plupart des naufrages qui ne laissent pas de survivants, on n'en parle pas. Il y a 12 marins qui étaient sur la Méduse, qui sont restés, puis ensuite sont partis sur une embarcation. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Personne n'en parle jamais. En fait, ce qui est important dans le naufrage et ce qui suscite, ce qui fascine, c'est que ces survivants aient réussi justement à surmonter l'adversité, à surmonter l'enfer probablement, mais déjà en utilisant ce terme, on se place dans une dimension quasi religieuse. Mm-hmm. J'ai un petit désaccord avec Comme Fabre tout à l'heure. Je pense qu'il y a une dimension eschatologique dans le tableau de Géricault, qu'il n'y a pas besoin de montrer des croix, il y a tout de même des hommes agenouillés. On sait, et ça il y avait une esquisse d'ailleurs. Il y avait une esquisse en tout à fait, et on sait que sur le radeau, on prie. On prie régulièrement. Alors, c'est peu mis en avant par le récit de Coréard, qui est un libéral proche de Béranger et qui n'est pas très dévot. Mais j'ai retrouvé un témoignage d'un sous-officier, je pense que c'est de Charlot qu'il s'agit, et il explique qu'ils étaient en permanence en prière. Et on ne peut pas imaginer que ces bras tendus vers le ciel ne soient pas aussi un appel à une aide qui pourrait venir de l'au-delà. Donc, je pense que la dimension religieuse, elle est présente. Je ne dis pas qu'elle est première, mais incontestablement, Géricault a aussi cela à l'esprit. D'autant plus qu'on est dans une époque où la pression religieuse est encore très forte. Et est-ce que l'idée aussi que le héros est anonyme et qu'il représente le peuple a pu justement faire que ce tableau, perdure dans le héros, c'est-à-dire celui qui est au sommet de la pyramide. Ceux qui étaient au sommet de la pyramide, finalement, on ne voit pas son visage, et on peut imaginer que effectivement, il est noir. Il y a un survivant, sur les 15, Jean Charles, qui était un soldat noir. Mais j'explique aussi que il y a un portrait du charpentier Touche la Villette, qui est peint comme un mulâtre. Or, cet homme a participé aux guerres napoléoniennes, il a été membre de la garde impériale, il était natif de Chartres, et seul le soleil a pu cuivrer ainsi sa peau. Mais pour Géricault, c'est un symbole, l'homme du peuple, l'ouvrier, c'est aussi un noir, c'est la même cause qu'il défend. Merci beaucoup, on aura beaucoup d'intérêt à vous lire dans Les Naufragés de la Méduse, paru il y a 2 ans chez Belin, Jacques-Olivier Boudon, et on ne peut que conseiller, et vous ne serez pas les premiers si vous ne connaissez pas ce livre, de lire également le dernier livre que vous avez publié, et pour lequel vous étiez venu il y a 6 mois dans la Fabrique de l'Histoire, qui s'appelle Le Plancher de Joachim, qui raconte cette histoire incroyable de ce menuisier des Hautes-Alpes qui a laissé un message pour les hommes des générations futures sous le plancher qu'il était en train de construire dans un château des Hautes-Alpes. Merci Séverine Yatta. Cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Antoine Pitiglioni était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard en a assuré la réalisation. Et comme d'habitude, si vous voulez réagir à cette émission ou à toute cette série qui s'intitulait Destin des images, ainsi qu'aux autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore à nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.